Chapitre 7e. Malgré la lettre à Madame la baronne de Saint-Hubert, on vit le lendemain entrer dans l'avenue des Tilleuls un coupé attelé de deux beaux chevaux et portant sur ses panneaux des cornes de cerf, ayant pour support deux amours avec ses devises « Je vaincrai ». Il s'arrêta devant le numéro 3 et l'en descendit une jeune femme élégante qui, après un moment d'hésitation, ne sachant ni à qui s'adresser ni à qui parler, entra chez le marchand de vin. « Monsieur Passereau, demanda-t-elle. Au troisième, la porte à gauche, après l'escalier. » Ça a été un événement que l'arrivée de ce coupé dans l'avenue, où il n'entrait pas ordinairement des voitures de ce genre, et l'on s'était mis sur les portes et aux fenêtres pour le regarder. Il était tout moucheté de plaques de boue noire, et les chevaux qui avaient trotté dans la neige fondue étaient éclaboussés jusqu'aux reins. Sur l'indication qui lui avait été donnée par le marchand de vin, la jeune femme s'était engagée dans l'escalier et à chaque palier, elle avait trouvé un groupe de commères et d'enfants qui, par leurs portes entr'ouvertes, la regardaient passer. Une dame qui descendait de voiture et qui traînait dans l'escalier une longue robe en velours. C'était peut-être une fée. Et sur son passage s'élevait une rumeur qui montait l'escalier aux marches boueuses plus vite qu'elle. À ce moment, M. Passereau se trouvait chez Angélique, et comme il ne parlait point, ce murmure arriva jusqu'à eux. Déjà Angélique avait entendu le coupé s'arrêter dans l'avenue. Elle alla à la fenêtre et, se penchant en avant, elle regarda en bas. « Une belle voiture, avec un cocher en livrée, » dit-elle. « C'est pour moi !» s'écria M. Passereau. Se levant vivement, il sortit. Au même instant, la dame arrivait au haut de l'escalier. « Ah, bien ! Tu sais, ça n'est pas sans peine que je te trouve, » s'écria-t-elle en lui tendant la main. Il avait déjà ouvert la porte de son galta. « C'est là que tu demeures ?» « Ah, mon pauvre vieux !» Cependant, elle n'avait pas hésité, et bravement, elle était entrée. Ce fut bravement aussi qu'il s'assit sur la malle, en s'enveloppant, en se tassant dans son manteau. « Alors, tu es dans la panne, tu vois. »« Oui, ce n'est pas beau. Et tu étais malade, j'étais mort. »« Tu en as rappelé. J'ai la vie dure. »« Tu sais que ce n'a pas été ma faute, si je ne suis pas accouru aussitôt ta lettre reçue. »« Tu as pensé à moi et tu as bien fait. » Seulement, quand ta lettre est arrivée chez moi, j'étais absente, pour affaire. Enfin, je n'étais pas là. Quand je suis rentré et que j'ai trouvé ta lettre, je suis parti aussitôt pour venir ici. Mais il gelait en diable, et mes chevaux n'ont pas pu monter la côte. Alors j'ai voulu la monter moi-même à pied. Mais j'ai vu une femme qui la descendait sur les reins en montrant ses jambes, ce qui était dramatique et comique en même temps. J'ai eu peur. De montrer tes jambes, que tu es bête, de me casser les reins. Et j'en ai besoin. Alors je n'ai pas persévéré, me disant que je reviendrai un jour qu'il ferait moins mauvais, et me voilà. Tu n'as pas reçu ma seconde lettre ? Si, mais je suis venu quand même. Mais d'autant bien que, malgré ce que tu me disais, tu aurais besoin de moi. Et que si tu m'écrivais de ne plus me déranger, c'était parce que tu étais fâché. Je ne voulais pas te laisser fâché. Et je voulais t'expliquer pourquoi je n'étais pas venu aussitôt ta lettre reçue. Et quoi ? C'est ainsi, c'est ici que je retrouve le comte de Mussidan ?» Du lit sur lequel il s'était assis, il se leva vivement pour venir à elle. « Chut » dit-il. « Ah, c'est vrai. Ici, tu es Monsieur Passereau. Et pourquoi ce nom d'oiseau ?»« Pour n'être pas connu dans ce quartier. » Il dit ces derniers mots avec dégoût et mépris. « Ce quartier. »« C'est juste, toi, Montmartre, avenue des Tilleuls, un homme de ton rang. » »« Il m'a fallu toute la confiance que tu m'inspires pour que je te donne mon adresse et te demande de venir ici. » Et aussi ta détresse, n'est-ce pas? Enfin, je suis bien aise de voir que tu es mieux, au moins sous le rapport de la santé. Qu'est-ce que tu as eu? Je ne sais pas trop. Depuis quelques jours, j'avais des malaises, des faiblesses en marchant, des étourdissements, des bourdonnements dans les oreilles, des hallucinations dans la vue. Elle regarda autour d'elle, le lit, les habits accrochés au mur, les brosses posées sur l'appui de la fenêtre, enfin, tout cet intérieur qui criait si lamentablement une misère noire. « Tu n'avais pas à souffrir de privation ?» demanda-t-elle sans tourner les yeux de son côté. « Si, enfin, un matin en me levant, je me sentis plus faible. Ce fut à peine si je pus me lever. Je compris que j'allais être malade. J'étais seul, sous le coup d'une gêne, momentanée il est vrai, mais cependant réelle. À qui m'adresser ? À qui demander des secours ?»« Tu as pensé à moi et tu as eu raison. Je me suis rappelé ton bon cœur. » L'amitié qui a survécu à notre rupture, et je t'ai écrit. Bien certain que si tu pouvais, tu viendrais. Ça a été une affaire de porter ma lettre à la poste. J'ai eu tout juste ce qu'il me fallait de force pour remonter ici et me mettre au lit. Ce qui s'est passé alors, je n'en ai pas conscience. J'ai eu la fièvre, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai eu faim, et j'ai eu le délire. Il est probable que j'allais mourir, je ne sais trop de quoi, de faim peut-être, quand une jeune fille est venue à mon secours. Tiens, elle m'a soigné, elle m'a réchauffé, elle m'a donné à boire, à manger. Et comme la fièvre était usée, je me suis trouvé mieux. De bonnes nuits m'ont remis, et me voilà. Sais-tu que c'est superbe, ça? Sauvé par une jeune fille, à ton âge, quel triomphe! Ne dis pas de niaiserie. Tu as bien 50 ans, n'est-ce pas? Rassure-toi, je ne te demande pas de date. Quoi qu'il en soit, tu as toujours eu une fameuse chance avec les femmes. En voilà une qui te sauve, et en voilà une autre, moi, qui arrive pour te sauver. Il est vrai que j'arrive trop tard, mais enfin, il y a la course pour sauver monsieur le comte de Mussidan, course de femmes. Première, Jenny l'ouvrière. Deuxième, distancer la baronne de Saint-Hubert par la mère Trognon et le père. Ah, ça, le père inconnu. Et quand je pense, moi, mauvaise deuxième, j'ai reçu de toi des tripotés dont je vois encore les noirs. Là, sous l'œil, t'en souviens-tu? Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Elle avait débité tout cela d'un ton comique, en riant, mais lui avait pris un air fâché. Pourquoi parler de ça? Je ne t'en veux pas, au contraire. Tu m'as pris la vie et beaucoup d'autres choses qui m'ont été utiles. C'est toi qui m'as formé, qui m'as lancé. C'est à toi que je dois cette éducation soignée, ces belles manières. Disant cela, elle se leva et fit deux tours par la chambre en marchant noblement, sa traîne balayant le carreau derrière elle. Ces manières distinguées, les tiennes, qui m'ont permis de devenir madame la baronne de Saint-Hubert, née Trognon. J'en conviens avec toi parce que tu le sais. Pour être venu me chercher chez la mère Trognon quand je n'avais que 15 ans. Mais personne ne s'en douterait, n'est-ce pas? Tu es une des plus charmantes femmes de Paris. Enfin, quoique je ne veuille pas lutter avec Jenny l'ouvrière, qui m'a déjà battue de plusieurs longueurs, je me mets à ta disposition. À quoi puis-je être bonne? Tu as parlé d'une gêne momentanée. J'ai là quelques louis, veux-tu que nous les partagions? J'aimerais mieux les avoir tous, j'en ai si grand besoin. Et puis je te les rendrai bien vite. La tante de Corde est donc mourante? Hélas non. Mais j'ai un moyen sûr de me remettre avec elle. En ai-je assez vu de ces moyens sûrs, tous plus sûrs les uns que les autres, qui devaient nous apporter une partie de la grosse fortune de mademoiselle de Puylaurens, mademoiselle de Poidieu, comme tu disais. C'est bien ainsi, n'est-ce pas? Car si tu m'as appris beaucoup de choses, tu as négligé de m'apprendre le latin. Nous attendions la réussite du moyen sûr, nous tirions la langue, nous faisions des dettes, et le moyen sûr ne réussissait pas. La tante, de plus en plus exaspérée contre le neveu, tenait serré les cordons de sa bourse, et nous restions avec nos dettes à batailler contre les créanciers. Le beau, c'est que tu finissais toujours par me convaincre de l'excellence de ton nouveau moyen. J'y croyais comme toi. J'attendais comme toi sa réussite. Et cela est si vrai, je peux bien te le dire maintenant sans te fâcher, que sans cette attente, je t'aurais planté là plutôt que je ne l'ai fait. Car elle n'était pas drôle, notre vie de misère. Tu t'en es consolé et rattrapé. Me le reproches-tu? Non, je t'en félicite, tu me fais honneur. On sait que j'étais ton premier amant. On doit le dire quelquefois. Si on ne le disait pas, je le dirais moi-même. Je suis fier de toi. Tu étais un homme. Si tu cognais, tu avais un caractère. Tu étais quelqu'un. Oh, mon pauvre vieux, comme tu ressemblais peu aux jeunes gens de maintenant. Elle avait tiré de sa poche un joli porte-monnaie recouvert en castor, et elle se préparait à l'ouvrir pour procéder sans doute au partage de ses quelques louis. Mais le comte de Mussidan avança la main. « Au fait, dit-elle, prends contenant et contenu. Quand les louis seront partis, il te restera le porte-monnaie qui te fera penser à moi. Je n'ai pas besoin de cela pour penser à toi, tu le sais bien, mais je l'accepte cependant avec émotion. » C'est égal, s'il nous m'avait dit, il y a 7 ans, qu'un jour, moi, Louisa Trognon, fille de la mère Trognon, marchande de bonnets au marché des Carmes, je prêterais quelques louis à monsieur le comte de Mussidan, l'héritier des Mussidan et des Puylaurens, on m'aurait bien étonné, et je ne sais pas si je l'aurais cru. C'est sûrement ces héritages qui sont la cause de mes malheurs. J'ai eu trop jeune la disposition d'une grande fortune, et cela m'a fait prendre certaines habitudes dont je n'ai pas pu me débarrasser. J'avais perdu mon père étant encore enfant. À 18 ans, ma mère, qui m'aimait passionnément, m'a émancipé et a remis entre mes mains l'héritage paternel. Il a duré 5 ans. 5 années superbes, splendides, 500 000 francs par an. Il s'était levé et marchait par la chambre glorieusement. 500 000 francs, des chevaux, des voitures, des femmes, le jeu, j'étais célèbre, on m'enviait, on m'admirait, j'étais une puissance. À ce souvenir, il s'était transfiguré. Ce n'était plus le misérable qui, dans cette même chambre, avait failli quelques jours auparavant mourir de froid et de faim. Évidemment, il était retourné à ses 5 années superbes et splendides. Il se promenait dedans. Il était celui dont il parlait, l'homme envié et admiré de cette époque, admiré surtout. Et si bien qu'il se sentait encore admirable. Sa maladie n'avait été qu'un accident causé par la misère. Sans cette misère, il serait encore, il serait longtemps encore l'homme qu'il avait été. Que lui manquait-il pour cela? De la meilleure foi du monde, il ne le voyait pas. Quand on était bâti comme lui, quand on avait cette tournure, cette prestance, ce grand air, il était bien permis d'être orgueilleux. C'était tout simplement justice qu'il se rendait. Et même, pour être sincère, il fallait bien reconnaître qu'il lui manqua 20 ans ce que depuis il avait acquis, l'expérience, la solidité de l'esprit, la sûreté du jugement. Après s'être ainsi payé ce qu'il se devait à lui-même, il continua. Un an après que j'ai vu la fin de l'héritage paternel, ma mère mourut, me laissant une fortune supérieure à celle qui avait fondu dans mes mains. Je ne sais vraiment pas comment. Cette fois, je fus plus sage. La raison m'était venue, l'expérience de la vie, et cependant, au bout de 10 ans, je n'avais plus rien. Comme j'aurais voulu te connaître en ce moment. Pour m'aider? Non, va-t-on pour t'aider que pour t'admirer. Comme tu devais être superbe, quand tu n'avais qu'à obéir à ton inspiration. Le fait est que j'ai laissé des souvenirs qui sont trop vivaces, dans plus d'une mémoire, et qu'il y a des gens qui citent comme modèle le comte de Mussidan. J'en rencontre encore sur le boulevard de ceux-là. Ils ont l'air de ne pas me connaître, justement parce qu'ils me connaissent trop bien. Et c'est alors que tu t'es marié, peu de temps après. Quand tu n'avais plus rien. À ce propos, laisse-moi donc t'adresser une question qui m'est venue bien souvent sur les lèvres, mais que j'ai toujours retenue parce que j'avais peur que tu te fâches et que tu cognes. Comment, toi, si fier de ton nom, avec tes relations, avec une famille comme la tienne, as-tu épousé une écuyère? Mais parce qu'elle m'aimait. Et puis elle avait du prestige. Enfin, je dirais qu'elle a été la plus belle femme que j'ai rencontrée, si je ne t'avais pas connue. Je t'ai bien entendu dire qu'elle avait pour amie une impératrice et des princesses. Je comprends que cela t'ait flatté. Mais enfin, il n'en est pas moins vrai que de là en faire une comtesse de Mussidan. Il n'y a pas mal de cerceaux en papier à crever. Elle n'a jamais sauté dans des cerceaux, dit-il avec dignité. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas la première écuyère qui ait fait un grand mariage. Ça, c'est vrai. Et même c'est extraordinaire comme la haute école vous prépare à devenir princesse, duchesse ou comtesse. Mais cependant, tel que je te connais, je ne te croyais pas homme à faire un pareil mariage. Pour la perpétuité de ma race, je devais me marier. C'est justement à ta race que je pensais, à ton nom. Tu ne sais pas ce que tu dis. J'ai 2 superbes garçons qui me ressemblent et qui ne sont que des Mussidans. Est-ce qu'ils sont toujours chez la tante de Cordes? Non, ils sont à Paris, à l'institution de l'abbé Quentin, rue du Cherche-Midi, où bien entendu, mademoiselle de Puylaurens paye leur pension. Je les fais sortir tous les mois. Quel âge ont-ils? Sébastien, 14 ans. Frédéric, 13 ans. Ils continueront dignement, les Mussidans. Je veillerai à ce qu'ils échappent aux entraînements qui m'ont perdu. Ils auront ce qui m'a manqué, un père. Sébastien entrera dans la diplomatie et sera ambassadeur. Frédéric entrera dans les ordres et sera évêque. Ça m'assurera une vieillesse agréable. J'irai de chez mon fils l'ambassadeur, chez mon fils l'évêque. De Madrid ou de Copenhague à Amiens ou à Marseille. Cela mettra de la diversité dans mon existence. Et rien n'est meilleur que la diversité pour les vieillards, car je serai un vieillard un jour. Et tu ne crains pas que ta tante leur laisse sa fortune plutôt qu'à toi? Ma tante a au plus haut point le respect de la famille, de ses lois, de ses prérogatives. Je suis le père, c'est à moi que revient sa fortune. Elle ne changerait pas une disposition particulière ce qu'est la loi divine. En tout cas, j'aurai toujours l'usufruit légal de la fortune qu'elle léguerait par testament à mes enfants. Pour cela, il faudrait qu'elle mourût avant que tes enfants eussent atteint leur 18e année. Je connais ça, l'usufruit légal des parents qui dure jusqu'à la 18e année des enfants. J'étais obligé d'attendre les 18 ans du petit marquis d'Altonville pour le prendre. Va-t-elle mourir tout de suite? Quel âge a-t-elle donc? 55 ans. Est-ce admirable? Elle a 55 ans et tu en as 50, et tu dois hériter d'elle, prochainement. Comme l'héritage vous trouble la cervelle, quand on doit hériter des gens, on ne pense pas leur âge, et qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient bien portants, ils doivent mourir avant nous. C'est que justement ma tante est mal portante, elle l'a toujours été. Ma mère est morte à 44 ans. Sa sœur, de 15 ans plus jeune qu'elle, plus faible qu'elle, devait mourir au même âge, et elle l'a déjà dépassée de 10 ans. Devant cette assurance, elle trouva inutile d'insister, il se leva pour partir, mais un mouvement de compassion la retint. Si quelquefois, et malgré tout, cette attente se prolongeait, viens dîner avec moi quand tu voudras. Cela rend parfois service d'avoir son couvert mis.